Je la rencontre régulièrement, Marido Fréval, qui est une femme de théâtre, une femme de mots, une anarchiste, une alter ego. Alors, voici Madame Marido Fréval. Elle a l'œil vif, la fesse fraîche et le sein arrogant. L'autre sein, l'autre œil et l'autre fesse y tout également. Mais ça n'est pas monotone, et même quand c'est l'automne, je m'écris en la voyant, tiens voilà le printemps. Marcel, si j'avais des ailes, je volerais grâce à elle. Marcel, vers la plus belle des jouvencelles, celle qui a pris mon cœur, ta petite sœur. Poum, poum, je poserai sur sa bouche un baiser farouche, puis je baisserai les stores à cause des mouches. Pourquoi cet œil noir, Marcel? J'ai pourtant fait la vaisselle. N'aimerais-tu pas ta sœur? N'as-tu pas de cœur? Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marcel, j'ai mis du sel au vermicelle. Quoi que mieux les nouilles au beurre, moi je préfère ta serre. Poum poum. Troisième guerre mondiale. J'ai lu un article qui fait froid dans le dos, oui, que comme quoi on va y arriver, ouais. Je pense que c'est probable. Est-ce que tu vas déserter? Est-ce que tu vas rester à Paris? From 5 p.m. to 5 a.m. Est-ce que tu vas affronter? Non, moi je me bats pas. Je ne fais pas de trucs armés. Je sais que c'est que je comprends pas ça. Je crois que je peux pas tuer. Ben toi, me retrouver là-dedans, je dis pas que. Si j'étais dans une situation très, très, très d'autodéfense, peut-être je ferais. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas me battre. D'abord, il faudrait savoir ce que je défends. Je ne veux pas me battre pour mon pays. Hein. Tu vois, pour l'instant, ce pays, ok, il s'en sort peut-être pas mal par rapport à je sais pas quoi, mais je ne suis pas sûr. Tu veux que je te dise ? Je ne suis pas sûr. On arme l'Ukraine, on arme pour pouvoir après réinvestir après. C'est très grossier tout ça, je peux pas aller là-dedans moi, tu vois, je peux pas créer un bastion. Et puis tenir une arme, enfin. Juste avant le confinement, j'ai acheté une maison en Bourgogne. Parce que. Si tu veux, j'avais été en résidence dans cette région et j'avais vu une annonce. Il y avait une espèce d'ancien hôtel et donc j'appelle, c'était 30 000 euros. Bah, tu m'étonnes. Donc moi je me dis, ah, donc ça veut dire que dans cette région, il y a des choses super accessibles. Alors que moi, pour ces jours, je n'allais jamais de ma vie être propriétaire. Je ne gagne pas d'argent, jamais investi. Donc. Et je reviens, forte de ces nouvelles, retrouver mon compagnon, etc. Je lui dis, mais tu sais, faut qu'on aille faire un tour là-bas parce que on pourrait avoir... Alors moi, je pars. Une petite maison, je lui dis, tu vois, comme ça, et puis on pourrait décompresser de temps en temps. Et là, il dit bingo, oui. Alors que moi, je ne m'attendais pas. Bon. Donc, de fil en aiguille. Et du coup, on a décidé. Nos garçons s'en sont mêlés. Donc, c'est pas du tout une petite maison, c'est une énorme maison. C'est pas 30 000 euros, c'est 90 000. Et voilà. Et donc, j'ai cette maison en Bourgogne. Attends un peu, tu me dis que c'était 30 000, mais c'est 90 000. Bah parce que nous avons acheté deux maisons, côte à côte. Ok, parce que c'était tellement peu cher que vous en avez acheté deux. Et si tu veux, les garçons ont dit, mais non, mais tu te rends pas compte, regarde, c'était deux on visitait une maison mitoyenne. Ouais. Et elles avaient fait partie d'un même bloc avant. Ok, nous on appelle ça un jumelé. Ouais. Il me dit, mais attends, si tu. Faut acheter les deux. Parce que tu voulais pas avoir tes voisins. Tu voulais être seul aussi, pas avoir de voisins. Moi j'avais pas d'idée préconçue. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est vrai que du coup on peut se retrouver là aussi. Du coup on a deux énormes boutiques en bas, donc on peut faire répétition. Enfin, ouais, du coup. Mais j'ai fait juste avant le confinement. Donc on a fait la promesse, on devait signer. Pendant la période de confinement, là on a été bloqué et on a signé par procuration la fin de cette période-là, du premier confinement. Félicitations. Et donc, c'est pour ça que quand tu me dis quelle intuition tu as, moi j'avais pensé aussi à ce moment-là que c'était un lieu de repli pour mes garçons. Okay. Parce que moi je veux qu'ils désertent. Toi tu veux ? Je veux qu'ils désertent. Okay. Je leur ai dit tout de suite. Moi je les cache. Non mais toi est-ce que tu veux aussi ? Non mais toi ? Oui. Ok, tu fais attention à tes joyaux, à ta famille. Bah là, si tu veux. C'est tu veux à un moment donné, quand c'est les. S'il y a guerre, toutes les guerres, elles ne sont pas toutes de même type, hein. Mais à un moment donné, il y a des situations de repli. Ouais, ouais. Bon, moi, je vais pas faire de blocos là, comme les Suisses, parce que je trouve que c'est très exagéré. Enfin, exagéré, non, pas exagéré, mais je peux pas, moi, voilà. C'est pas possible, je peux pas dormir au-dessus d'un blocos, ouais. Je peux pas. Tant pis, je préfère exploser. Donc si tu veux le... Mais cette idée de repli, voilà. Tu sais, mais c'était avant tout ça. Maintenant, bah, j'ai vécu déjà plein de choses dans cette maison. Tu vois, on peut y faire des grandes fêtes. On peut donc y répéter. Là, je propose à des auteurs de venir écrire. Et puis voilà, puis on vit, quoi. C'est idéal pour toi, c'est un environnement de créatif. C'est à 2 heures de Paris, donc tu vois, ça permet aussi de faire des allers-retours. Non, non, c'était... Et je me dis, tiens, alors j'ai dû avoir du pif, ouais. Mais éventuellement, tu veux aller te retirer là, dans ce... Mais pour l'instant, je travaille de plus en plus, donc c'est le problème. Mais faut que tu payes aussi ton... tes deux maisons. C'est ça. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Je faisais réchauffer des pochettes de mots quand j'ai senti la mitraillette. Pas pendant tu me menaces, fillette. Pas pendant me disant tu es sous ma loi. Ah ah ah ah. Et je suis resté quoi? Et je suis resté quoi? La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Ému, j'ai baissé les paupiettes. Sous gaz car tu me cherchais la petite bête. En m'arrachant jusqu'aux chaussettes, tu m'as même ôté mon sang-froid. Ah, ah, ah, ah. Et je me tenais quoi? Et je me tenais quoi? La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Que s'est-il passé dans ta tête? Tu as pris la poudre d'escampette. Sans explication, est-ce bête? Sans raison, tu m'as planté là. Ah, ah, ah, ah. Sans plus me dire quoi? Sans plus me dire au quoi? Je pense bien dans cette tenue. Une plus me dire au quoi? Qu'en aurais-je fait? La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Ah non, mon compagnon avait un apport, lui, donc si tu veux, ça va, ça n'a pas créé de trop de remous. Ouais. Et c'est quand même bien que. Parce que tu te disais, il faut que je le convainque, ça sera pas évident. Oui. Et ça s'est fait tôt. Tout de suite, oui. Ah, c'est des choses comme ça, tu sais, dans la vie, on ne sait pas. Il faut provoquer, hein. Ouais. Et tiens-toi bien, c'est qu'un de mes fils a acheté une maison juste à côté, à 20 km. Lui, il a acheté 20 000 euros. C'est vraiment pas cher. Une petite maison toute petite. Ouais. Il y a deux pièces, salle de bain, petit coin cuisine. Mais tu peux tout aménager en haut. Est-ce qu'il y a du terrain, beaucoup de terrain? Il y a du terrain, oui. Okay. Toi, oui, un énorme terrain. Non, pas un énorme, moi. Okay. Non, je suis au pied de, je suis au cœur du bourg. Au pied d'une église. Ah, oui. Avec, c'est très un peu médiéval, tu vois. Hey, mais c'est sans doute sublime. Écoute, ouais, bah, faudrait que tu viennes. Hein. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est parce que tu viens à chaque fois 15 jours, tu restes pas longtemps. Non, pas longtemps. J'ai 2 semaines de vacances. Hein, donc, ouais. Mais est-ce qu'il y a des cafés dans ce coin-là? Oui, il y en a. Ah, c'est... Oui, oui, il y a un dénommé Didier, la Gasson Café, qui fait des petits concerts et tout. Ouais. Ouais. Ah, mais t'as vraiment amélioré ton sort, comme on dit. Je sais pas, tu sais, on sait pas bien ce qu'on fait, mais... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Des fois, je me dis, mais tu sais, moi, je suis très instinctive. Ouais. Je fais comme ça, tout, tout, tout, tout, il faut que je fasse, à un moment donné, il faut que je fasse. Donc, j'ai fait. Et depuis, ça fait des traînées de poudre. Tout le monde, tu vois, le nombre de personnes... Est-ce que les prix ont augmenté depuis? Ouais. Ah ouais, c'est ça, alors tu l'as pris au bon moment. Ah oui, alors que moi, je suis la plus nulle. C'est ça qu'il faut savoir, je suis la plus nulle. Quand tu parles avec des gens qui sont habitués à investir, ils te font des discours, des machins. Moi, je suis là. C'est quoi ton univers? Du tout. Moi, il faut que ce soit rapide. Ouais. On a été rapide. Oui. Et depuis, quand je vois en comparaison les autres, effectivement, c'est, on a dû faire une affaire, comme on dit. Or que c'était pas le but, hein, moi. Puis dis-toi que si tu le revends, tu vas encore faire du profit. Oui. Mais monsieur, moi jamais je m'étais mis là-dedans, donc tout d'un coup, bon je dis ok, moi de toute façon je peux me nicher là, moi, et vivre des choses joyeuses. Moi c'est surtout ça, tu sais, que je voudrais, hein, c'est qu'il y ait des gens, des belles énergies, que tu arrives à rencontrer les gens avec qui tu as justement envie de discuter, d'élaborer le monde, de créer, c'est ça qui est important. Non, mais c'est pour le mieux. Non, mais moi, je trouve ça génial d'avoir trouvé quelque chose et d'avoir sauté sur l'occasion. Je te dis, on a fait deux week-ends de repérage. Un week-end, on en a vu une autre, mais elle est partie, tu vois. Okay. Et ça aurait été moins bien au final. Okay. Parce qu'elle était plus excentrée. Donc ça posait des soucis pour systématiquement prendre la voiture, faire les courses. Ah ouais. C'est pas très drôle ça. Alors que là il y a une petite supérette. Donc si tu veux vivre dans un mode très... oui, tu vas à pied. Ouais. Il y a un boulanger, enfin une pharmacie, un médecin, une médiathèque. On peut emprunter des livres. Puis Toulouse c'est tellement festif. C'est tellement une belle ville. C'est une ville d'étudiants. Hein? Il y a beaucoup d'étudiants à Toulouse. Où ça? Non, mais c'est pas Toulouse. Ah non, excuse, c'est où? Non, c'est en Bourgogne. En Bourgogne, okay. Bourgogne, c'est... Oui. C'est au sud de Paris, à peu près. Oui. C'est à peu près à 2 heures. Oui, ouais, c'est deux... là, je suis à 2 heures. Puis ils ont de l'excellent vin. Exact. Ouais. J'ai 10 questions, comme d'habitude. Ouais. Ça nous amène, si tu étais, en parlant de vin, si tu étais un liquide, je sais très bien ce que tu vas répondre. La vodka. Ouais. Je me suis dit, est-ce que je dis vin? Mais non, je crois que je préfère la vodka. Ouais, oui. C'est plus du tout au goût du jour, je te ferai remarquer, la vodka maintenant. Faut pas dire. Ah non, c'est vrai, c'est russe. Ouais. M'en fous. Ouais. Non, mais il y a de la vodka qui est... Ouais, polonaise. Ukrainienne. Ouais. Toi, tout le monde peut faire de la vodka, c'est la patate. Et je suis, ouais, c'est exactement ça. Et qui nous lance la patate avec ça. Hein. Petit homme qui vivait d'espoir, rencontra sur la butte un soir. Femme, enfant, de grande beauté, fille, fleur aux souliers crottés. Aussitôt, son cœur a bondi, j'ai senti l'âme d'un bandit. Y avait du bonheur à ravir, à une fille belle à ravir. L'aborder lui a dit, bonsoir, je suis l'homme le plus riche d'espoir. J'en ai trop, j'en ai bien pour deux, et de vous je suis amoureux. J'ai l'espoir de toujours vous voir, j'ai l'espoir bientôt vous avoir. J'ai l'espoir de mettre à vos pieds les richesses du monde entier. A pris ses plus jolis espoirs, les a mis dans un grand mouchoir. À la belle, il les a donnés, mais la belle les a piétinés. Elle a dit le truc de l'espoir, on me l'a déjà fait, pas d'histoire. Offre-moi des réalités, sinon sur moi faut pas compter. Petit homme qui vivait d'espoir, a pleuré dans son grand mouchoir. A pleuré tout ce qu'il savait et aussi ce qu'il ignorait. Et monté sur la tour Eiffel, il s'était lancé vers le ciel. Et retombé sur la chaussée, son sang en tout éclaboussé. Les passants de sang tout taché sont allés se faire détacher. Du moment qu'il y a des teinturiers, faut bien les faire retravailler. Je suis allé voir pendant la guerre ukrainienne, elle venait de commencer la guerre, Slava Snowshow, qui est un... Ah oui, bien sûr, je vois très bien. Et là, il y a y a des gens qui m'ont critiqué. Tu vas encourager les Russes, mais je ne vais pas encourager les Russes. Laisse tomber. Je ne vais pas du tout encourager les Russes. Je vais voir un spectacle vivant. Je vais voir un spectacle vivant. Ben oui, c'est ça. Est-ce que je vais arrêter de regarder des films russes? Pas du tout. Mais oui, mais je ne comprends pas le truc. Vysotsky, je vais continuer à l'écouter. Et puis depuis qu'ils sont en guerre, j'écoute de plus en plus de Vysotsky. Ben oui, c'est ça. C'est un poète, attends, c'est bon. Ben oui, mais... Pourquoi renier non, mais là, c'est pas possible. Un peuple par leurs agissements? Puis c'est pas eux qui agissent, malheureusement. C'est les premiers ministres. Exact. Si tu étais une ville... En ce moment, être une ville... Je crois qu'en ce moment, les villes qui... je serais une ville... Yaoundé. Yaoundé? Au Cameroun. As-tu déjà visité, oui? Oui, je suis allé. Et si tu veux, je trouve qu'il y a une telle énergie, justement, de création en Afrique, que je pense que tout, c'est eux qui vont ouvrir les portes de... Ah, c'est bon. D'un corps agissant. Ah, c'est bien. Mmh. C'est bien. Si tu étais une langue... J'allais dire une langue de bœuf. Oui, c'est tellement bon. Voilà. Hein? Une langue de bœuf, parce que comme c'est politiquement incorrect en plus, la viande, ça me va bien. Oui, c'est vrai. Il faut être végé ou encore vegan. Encore pire, vegan. N'a pas tout. C'était pas encore un autre mouvement d'une Et si tu veux, la Bourgogne, c'est aussi un pays de viande. Donc, ben oui, c'est comme un pied de nez. Il ne doit pas avoir beaucoup de végans et de gens qui méprisent la viande dans ce coin-là. Ben non. Surtout, c'est la saucisse, c'est tout ce qui est. Hein, oui, le boudin, il faut le boudin. Oui. Si tu étais, mais en plus, c'est une sorte de provocation, c'est ça qui est rigolo. Si tu étais une époque. Allez, je fais le pari sur Danse en temps. Ah ouais? Ouais. On sait jamais. Par curiosité, c'est pas possible de pas savoir. Ouais. Normalement, on recule en arrière, mais nous, on va en arrière. C'est la première fois qu'on me répond. C'est merveilleux, c'est la première fois. Si tu étais un mot. Ce qui me vient, c'est des choses légères, tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est l'été. C'est Pichenet. Ok. Tu vois, c'est. Ah ouais. C'est le. C'est-à-dire traverser quand même avec toi la légèreté, toute chose, tu vois. C'est, faire une pichenette, c'est toujours un petit truc comme ça. Voilà. Truc en l'air. Qui mine de rien, mais voilà. Sans réflexion. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. C'est bien. C'est bon. Non, mais je m'imagine, c'est vraiment très bien. Si tu étais un aliment. Well, I'm sorry, I definitely want to explore different areas. You get a grad, and then you do, it's called training contract, kind of firm, and you get to see all different areas. But I'm quite interested in where the art world looks like the law, kind of like the law and art dealing. Je sais pas bien. Peut-être. C'est compliqué l'aliment, j'ai rien qui. J'ai pas d'image. Une grosse salade. Parce que j'adore la couleur de la salade. On mange aussi avec les yeux. J'adore la couleur, le vert là, ça c'est. C'est une couleur essentielle. J'aime beaucoup. Surtout quand tu coupes des tomates et tu mets la truffe. Voilà. Et moi, je dispose toujours. Je fais des harmonies avec. Donc, c'est pour ça que je vois des assiettes. Tu vois pas l'aliment, tu vois. Après, j'adore aussi le curcuma. Ah oui. Oh là là. C'est fascinant. À un moment donné, j'avais voulu faire une perf avec du curcuma. J'en avais mis partout. J'en semais, tu vois. Ça coûte pas très cher. Bon. Oui. Et donc c'est tellement beau, c'est tellement joyeux comme couleur aussi. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça devient de plus en plus à la mode. Hein. On ne l'apprenait pas, le curcuma, c'était pas... Oui, oui, oui. Ouais. Ça vient d'Asie, c'est pour ça. Ouais, donc c'est ça. Ouais. Ça poussait pas ici. Je ne sais pas si on peut arriver à en faire pousser ici. Je ne sais pas comment c'est, la plante. Oui, si ça a besoin de soleil, d'humidité, oui, oui. Mais peu importe, c'est merveilleux. Oui, c'est très beau. Elle a des yeux, a les beaux yeux, si noirs qu'ils en sont lumineux. Elle a des yeux, a les beaux yeux, coquin, coquin et merveilleux. Elle a des yeux, a les beaux yeux, immense et pourtant malicieux, à faire d'emmener tous les saints du bon Dieu. Ses yeux, c'est Chita la créole, elle m'obsède, elle m'affole, elle me fait du charme, elle m'affole, elle m'alarme. Pourtant quand je la rencontre, je dois paraître jamais honte, pas assez énervé, elle m'offre du café. Chita si, chita la, chita chita chita boum, chita chita chita la, chita chita chita chita boum, chita si, chita la, chita chita chita boum. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver un savetier. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver un financier. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver le monde entier. Sur son bien chacun cinq ou six jolis doigts. De pied, c'est Chita la créole, elle m'obsède, elle m'affole, elle me fait du charme, elle m'affole, elle m'alarme. Pourtant quand je la rencontre, je dois paraître jeune et honte, pas assez énervé, elle m'offre du café. Chita si, Chita la, Chita Chita Chita boum. Chita si, Chita la, Chita Chita Chita Chita boum. Elle a aussi une cafetière, mais alors là, quelle cafetière? Oh, par exemple, quelle cafetière? Pour une cafetière, c'est une cafetière. C'est une énorme cafetière qui la cache tout entière. Et on ne voit pas comment qu'elle est derrière. Chita, le petit café l'affiche. Pour sûr, lui, il s'en fiche. T'es, on lui a dit fait une affiche pour le café. Peint une grosse cafetière. Et tout petit derrière, une pin-up qui la tient. Et le petit lapin. Chita si, chita la, chita chita chita boum, chita chita chita la, chita chita chita boum. Si tu étais une saison. Oh l'été. Ouais, ouais. On peut travailler dehors. Moi j'aime vivre dehors. Ouais. Mais même de toute saison d'ailleurs, mais j'aime être dehors. Ouais. Ah vraiment, j'ai besoin du dehors, beaucoup, ouais. Beaucoup. Surtout pendant les 2 ans. Hein? Pas d'enfermement, moi, non. Si tu veux. Je suis allergique. Et surtout. Quand tu sortais à l'extérieur, moi j'avais une feuille, donc je pouvais, parce que j'étais un travailleur essentiel. c'est de voir. C'est de rien voir. Mais tu sais, je de rien voir. Pas de voiture, pas de, d'humain. Oui, c'est ça. Moi je trouve ça extra. Non, mais c'était inquiétant. J'ai trouvé ça très inquiétant. Il y avait des fois, tu avais des visions d'immobilité terribles. Et en même temps, il y avait un souffle, tu vois. Parce qu'une ville immense comme Paris, c'est impossible de l'immobiliser normalement. Donc c'était aussi un peu magique parfois. Ça devenait un peu magique. Mais moi, je regardais les immeubles et je me disais, tout le monde est enfermé là-dedans. Ils n'étaient même pas aux fenêtres. Non. Un peu comme la guerre, hein, un peu comme... Tu vois? Ils s'attendaient que ça passe. J'ai été étonné, par exemple, parce que j'ai des voisins de temps en temps qui se disputent, tu sais. Ouais. Je m'étais dit, fenêtre ouverte. À croire que même dans les maisons, les gens bougeaient plus. Ouais. Ça m'a étonné. Hein. Pas de musique forte. Non. Comme si on était en punition. En punition. Si tu étais un membre corporel. Un quoi? Un membre corporel. Un membre corporel. Bon, je pense que j'avais dit une bite la dernière fois. Oui. Je peux redire ça parce que c'est ce que j'ai. C'est quelque chose que je. Qui est dans mon imaginaire, évidemment. Et que je trouve assez joyeux. Ouais. En plus, c'est un fonctionnement complètement désaccordé, un peu incompréhensible. Et je trouve ça assez joyeux. Ouais. C'est vraiment un... L'organe masculin, pour moi, est quelque chose de... complètement... anarchique. Et j'aime bien ça. Par quoi? Par sa forme ou par sa représentation ou par sa symbolique? Non, la symbolique, c'est quelque chose de très sérieux. Derrière, il y a toute la virilité, etc. Ouais. Mais pour moi, c'est... C'est désuet. C'est désuet? Oui. C'est attendrissant. Parce que c'est imprévisible. Tu vois? C'est... Ça renvoie des formes d'équilibre, de déséquilibre, de... Tu vois, c'est comme une espèce de faux baromètre de... Je sais pas. Je trouve ça assez étonnant, quand même, le fonctionnement du sexe masculin. Donc, je trouve ça... Moi, ça me fait rigoler. Aimerais-tu en avoir un? Hein? Aimerais-tu en avoir un? Pas vraiment. Alors, c'est là où je comprends pas ceux qui, tu sais, se transforment de... Non, pour moi, on est comme on est, et c'est ça qui fait notre particularité. Même si on se trouve bizarre. C'est ça qui est intéressant pour moi, justement, d'être un peu bizarre. Vivre avec sa bizarreté. Et oui, et l'assumer complètement. Et donc, à un moment donné... Donc moi, voilà, je suis né, identifié, tu vois, voilà. Donc après, je peux jouer avec plein de choses, justement, et c'est joyeux, mais je ne peux pas... devenir ne veut rien dire. Devenir quel... Ça n'a pas de sens. Le mieux, c'est être et vivre avec... Ouais. À sa façon. Ouais. Si tu étais un moment de la journée... Alors bon, la nuit, moi, c'est la nuit, moi, qui me plaît le plus. Après, mes horaires fétiches pour jouer, c'est pas la nuit parce que non, voilà, c'est 18h30, entre 18h et 19h, 18h, 18h30, 19h, voilà. Parce que la journée est passée, on n'est pas encore fatigué, on est encore prêt à faire renaître des choses. Une forme d'accalmie aussi de la fin de journée, comme ça. Et c'est un beau moment pour... L'apéro aussi. Oui, voilà, exactement. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais si tu veux, je suis fasciné par la nuit. Ouais. J'adore la nuit, être dehors la nuit. C'est mystérieux, le mystère de la nuit. On attribue à la nuit beaucoup de secrets. La nuit est un secret. Madame Ado m'a dit, ne venez pas mardi, car il y a mon mari qui revient mercredi. Venez donc vendredi, mais alors moi je dis, je viendrai si samedi, dimanche. Madame Ado, c'est ma voisine et la copine de ma cousine. Elle turbine dans la même usine, elles font des couteaux de cuisine. Ah, mange de corne! À propos de corne, ma voisine a un mari qui ne lésine pas sur ses dépenses de benzine. Il a une grosse limousine et un bicorne. Madame Ado m'a dit, ne venez pas mardi, car il y a mon mari qui revient mercredi. Venez donc vendredi, mais alors moi je dis, je viendrai si samedi, dimanche. Madame Ado, elle me fascine avec ses œillades d'assassin et ses deux seins qui se dessinent sous son maillot à la piscine. J'en perds le nom. Elle voudrait bien que j'assassine son vieux mari qui s'enracine pendant que moi je me calcine d'amour pour elle sous la glycine. Et j'ai bien tort. Madame Ado m'a dit, ne venez pas mardi, car il y a mon mari qui revient mercredi. Venez donc vendredi, mais alors moi je dis, je viendrai si samedi, dimanche, de pelle à gâteau. Ouais, puis tu rencontres pas les mêmes personnes la nuit, le jour. Pas que... On est moins identifié la nuit. On est plus anonyme. Ouais, on est plus... On se désigne, on... Je sais pas, on circule... Anonyme. On peut ouvrir des portes la nuit, ça. Tu vois. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de rentrer chez des gens parce que je voyais qu'il y avait une fête, tu vois. Tu t'es invité? Oui, parce que tu vois, ils ouvrent les portes, etc. Ok. Oui, ça m'est arrivé pour faire l'idiote, hein, tu sais. J'en ai fait des conneries. Hein. Donc, oui, je peux faire des choses comme ça parce que je sais que c'est possible la nuit. La nuit, tu t'arrêtes, tu parles avec quelqu'un au coin de la rue. La belle expression, la nuit, tous les choses sont gris. Oui. Moi, j'aime beaucoup la nuit. Non, tu me lèves tard. Pas vraiment, non. Tu dors pas. carburant au café. Non, pas beaucoup. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Ouais. C'est quoi un individu? La signification de chaque mot est assez c'est ça. Relative. Je sais pas ce qu'on entend par individu. Un personnage qui me fascine, c'est Roi Lear. Ouais. Moi, je suis un peu. Alors, c'est toi, soir. C'est des gens qui ont du mystère. On n'en fait pas le tour. Donc, Roi Lear fait partie de cette catégorie, selon moi. Mais ça pourrait être aussi une sorcière, tu vois, de qui arrive à tout comprendre avec ses... Tout un monde qu'elle a, un monde parallèle, qu'elle arrive à mettre en place. Ou un mystique animiste, qui comme ça serait avec, en relation forte avec le monde. Moi je pense que je suis quand même une matérialiste de base. Je suis un peu fasciné par des inscriptions comme ça, tu vois. Qui pour moi conservent beaucoup de mystères et d'une part de connaissances que je n'ai pas. À choisir parce que tu fais le même chemin. Oh oui, je crois. Sans rien enlever. Un chemin, c'est un chemin. Ah oui, c'est ça. Si tu veux, il n'y a pas à se poser cette question. Est-ce que ça ne marche pas, cette question? Ça nous renvoie à des impasses. Pour moi, c'est... Comme j'ai la formule aussi, je suis optimiste, je n'ai pas le choix. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es là, tu vois, et tu avances sur le chemin. Il n'y en aura jamais d'autres. Et tu penses que beaucoup d'artistes te connaissent ces thèmes? Ah oui. Et tu conserves ça? Bon, je sais pas. Je suis pas sûr. Quelques personnes me demandent souvent qui rencontres-tu ouais. Cette femme? J'ai dit Marido. Ah, tu lui diras bonjour de ma part. Alors il y en a tellement. Mais la dernière en liste, c'est Aline Stinus. Ah oui, ah oui. Qui te salue. Oui, c'est ça, Aline. Ouais. J'ai vu que... Tu es conscient du fait que, peut-être même sans le savoir, que tu touches à quelque chose de sensible chez les gens. Comme dit l'adage, qui même me suit, peu importe. Mais écoute, ouais, peut-être un peu. Après, j'ai vu que tu avais vu Franck aussi. Oui, ah oui, Franck. Ah oui, oui. Franck Mas, il te salue, oui, lui aussi. Comment tu l'as connu? On était sur un même spectacle ensemble. Okay. Avec Emma Drouin. Oui. Et ça avait été un bon moment. On avait bien. On a bien bossé ensemble, c'était chouette. Quel homme intriguant. Oui. Il est assez fascinant. Oui. Oui. Et puis il fait des recherches en art plastique, incroyables. Ah, oui. J'ai pas pu aller voir à chaque fois. Là, il travaille sur un projet de planter la graine avec une sorte de trompette, histoire de... Oh, je vais te le laisser, je vais te laisser, il va t'en parler, j'en suis certain. Puis, ben oui, lui, Franck m'a dit aussi de te saluer. Oui, c'est ça. Il y a tellement d'artistes que... J'ai vu que tu avais vu Marc aussi, Marc Avet. Oui, Marc Avet. Lui, il est de mon quartier. Oui. Marc qui vient de perdre... Ouais, je sais. Ouais. Martine. Oui, exactement. Puis c'en est un aussi. C'est des gens que tu côtoies et sans le savoir, c'est des gens qui s'intéressent à ton travail. Ouais. Est-ce que ça te stimule ou ça... Ça t'intrigue, ça te fascine? Non, je me dis qu'ils s'intéressent. Ouais. Donc, t'es une passeur. Hein? Tu fais passer le message. Mais écoute, oui, il y a des choses qui sont perceptibles, voilà, qui sont perceptibles par, par les autres. Et en même temps, on peut dire que t'es pas si opaque que ça, parce que certains diront que t'es une femme opaque, mais si on s'intéresse à ton travail, on peut se rendre compte que c'est limpide comme de l'eau de roche. Et Toto y a dit ton papa, les pas la papa. Et Toto y a dit ta maman, les pas la maman. Et Toto y a dit ton bébé, les pas la pépé. Et Toto y a dit ta mémé, yépa yépa. Et Toto y a dit ton tonton, yépa yépa. Et Toto y a dit ta tata, yépa yépa. S'il n'y a pas ni ton tonton, ni ta tata, etc. À quel bonheur je viens voir ta sœur. Oui, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus ceci, cela, et la plus, et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, tiens la voilà. Salut, je t'ai pas apporté de fleurs, ça ne m'étonne pas, mais me voilà avec mon cœur, ça ne m'étonne pas, et aussi avec mon scooter, ça ne m'étonne pas, tout de ne batte que pour toi. Tip-tap, tip-tap, laisse-moi te prendre dans mes bras, bas les pattes, laisse-moi te faire un bisou. Pas les pattes, pour la vilaine, si c'est comme ça, je vais voir ta bonne, la belle Irma, et je l'amène au cinéma. Nah, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus ceci, cela, et la plus, et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, tiens la voilà. Salut Irma, tu viens au cinéma? Non. Oui, je pense pas que je sois vraiment opaque. Après, comme je n'ai pas de famille, tu vois. Ouais. Je suis un peu pas toute seule, parce qu'on n'est jamais tout seul. Tous mes projets, il y a des gens avec moi, enfin c'est pas... Mais j'ai quand même une forme de solitude, tu vois. Et donc ça, les gens ont du mal avec ça. Ils ont besoin qu'on soit un peu plus raccordés, que je puisse dire des choses communes. Et je sais pas faire ça. Donc en général, je fais vous comme ça, et là, à chaque fois, ça chamboule. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'imprévisible chez moi, peut-être, que moi j'accepte parce que je sais que c'est comme ça que je mène. Je sais pas ce que j'arrive à faire, tout simplement, parce que. Et je pense pas qu'à chaque fois ça déstabilise forcément les autres, mais ça les déstabilise un petit peu. Là, par exemple, tu sais, je suis à la SACD aussi. Tu sais, maintenant, je suis élu au conseil d'administration de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. Comment tu as fait pour avoir ce titre? Alors, ben, on se présente. On doit avoir un certain nombre de droits d'auteur. Et quand j'ai fait ça, si tu veux, c'était ce qui était très drôle. Ben, je voulais déjà le faire. Ça s'est fait comme ça. Je te raconte l'histoire. Il y a un élu, Art de la Rue. Voilà. Il est élu pour 3 ans. Tout d'un coup, je vois apparaître sur la liste rue que je vais me présenter, dit un tel. À ce moment-là, je rencontre les filles de la SACD, que je connais aussi, puisqu'elles viennent en festival et qui connaissent mon travail. Je dis, mais tiens, aussi bien, moi aussi, je pourrais me présenter. Mais oui, Marido, bien sûr. Elle me dit, bah attends, il faut que tu aies. Et là, elle m'explique que tu ne peux pas le faire au dernier moment, qu'il faut se préparer longtemps à l'avance, qu'il faut que la candidature soit validée de je sais pas quoi, qu'il faut kakaka. Je dis, ah ok, d'accord. Alors, donc si les autres ils disent ça au dernier moment, c'est que c'est plié et que plus personne ne peut se présenter. Et donc à ce moment-là, moi j'avais posté sur la liste en disant, tu vois, aussi bien je peux me présenter. Et là, il y a eu un engouement. 3 ans après, je me présente. Là, on était 2 pour la première fois à se présenter, un homme et une femme. L'homme m'appelle, Marido, tu déstabilises la profession en te présentant. Bah parce qu'on est 2, tu te rends bien compte. Ah, normalement, ok, comme il y en a juste un, il est obligatoirement. Du coup, je me dis, ouh là là, je ne réponds pas. Petite guéguerre, minable, je ne réponds pas. Et je dis, ok, d'accord, si tu le prends comme ça, Tu parles à la guerre, que... À la guerre. Ok. Et donc j'ai été élu. Lui, comment il a pris ça? Je ne lui ai pas demandé. Il ne faut jamais parler trop longtemps avec ses ennemis, tu sais. Est-ce que tu l'as déjà rencontré après? Oui. Tu l'as rencontré après? Et puis? Bah, il fait mine de rien. Ok. Comme toute personne qui a perdu une bataille. Ouais. Non, mais t'es rigolo quand tu dis ça, parce que c'est comme la fille qui crie victoire. Et... Ah non, mais tu sais, c'est... Et donc, ça fait 2 ans que je suis élu maintenant. Et j'ai encore une année. Ok, 3 ans. Et est-ce que tu peux être réélu? Alors, non, c'est plus compliqué que ça. Oui, il y a des années de battement, etc., etc. Mais si tu veux, ce qui est terrible, c'est que tout un monde là qui se structurait tout seul, en loose day, tu vois, maintenant est délogé. Et que je me bats très fort pour plein de choses, et que du coup, ça produit ses fruits. Et que voilà, ils peuvent plus rien dire, tu vois, du coup. Tu t'es rendu compte de la supercherie. Ouais, c'est horrible. Ouais. Et le fait de gagner, c'est aussi de dire que malgré les stratégies malveillantes, tu as pu gagner. Voilà, c'est ça. Mais c'est complètement machiavélique. Oui, mais le monde, tu sais, dès que tu t'approches un peu dans des zones de pouvoir... Ouais, une femme surtout. Tu vois bien comment ça se trame. Et moi, je refuse justement, je te dis, les familles, les coalitions. Moi, je ne fais confiance qu'à... aux idées. Ouais. Et j'essaie de convaincre avec les idées que je trouve les plus justes, de mon point de vue. Qu'est-ce que ça signifie, ce titre-là? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente qu'un conseil d'administration par mois, de structurer les commissions, de se battre pour les budgets d'action culturelle, de faire des commissions spécialisées avec tous les autres répertoires, d'être présent sur des festivals, d'organiser des tas de choses pour les auteurs, tu vois. Mais tu peux pas travailler non plus pour ta cause parce que ça fait un peu... ça se présente mal. Ah oui, je ne peux pas faire de demande d'aide à la SACD pendant les 3 ans. Mais bon, voilà, quoi, c'est aussi une façon de relationner avec mes pères, enfin, ouais, toi, ouais, c'est-à-dire, ouais. C'est... Mais en même temps, est-ce que c'est un moyen aussi de comprendre le travail des autres, de oui, ouais. Ça, c'est très chouette parce que tu rencontres des auteurs dans tous les domaines. Cinéma, il y a tout l'audiovisuel, hein. Télévision, radio, qu'est-ce qu'il y a Internet aussi, peut-être? Oui, maintenant, il y a le web. Et il y a aussi la fille du cinéma d'animation. Donc, c'est assez riche, hein. Alors, ça t'ouvre des portes aussi, éventuellement, à du travail dans un autre... domaine? Pas vraiment, ça. Non. Bon, je cherche pas trop, ça. Ouais. Non, mais c'est exemple, si. T'as un projet, et puis on doit avoir accès à, je sais pas, à un peintre, mais tu sais déjà qui... Oui, sûrement. Bien sûr, je connais de plus en plus de monde comme ça. Ça, c'est sympa, tu vois. Est-ce que la majorité connaissent ton travail? Non. Non, ok. Non. Justement, parce que... Alors là, c'est un de mes combats, c'est que les arts de la rue sont souvent dévalués, ouais. Dépréciés, ouais. Dans la hiérarchie. Et donc, mon boulot, moi, un de mes enjeux, c'est justement que ça devienne incontournable. Et donc, je m'occupe de ça. Ce qui fait que là, j'ai été élu à l'intérieur du conseil d'administration en vice-président de théâtre. Ok. Ah ouais. Et là, et blanc. Paf, et blanc, oui. Dans les dents. Ouais. Encore là. Et c'est la première fois. Oui. Non, mais là, ils en sont parvenus. Mais c'est ça, les gens ont encore sursauté. Jusqu'où ils ratent-elles? Pour la première fois cette année, j'ai réussi à ce qu'il y ait une bourse, une médaille Beaumarchais pour un directeur de festival Art de la rue. C'est la première fois qu'il y a une médaille pour les arts de la rue. C'est bien. Ah non, du coup, moi, je me bats pour que quelque chose devienne lisible. Ouais. et que ça change aussi. Voilà. Et donc, je vois bien que ça y est, ça frémit. C'est pas parce que ce travail-là est un boulot rémunérateur, c'est juste pour le fait de changer les choses, de changer. Oui, c'est ça. C'est pas si payant que ça. Hein? C'est pas si payant que ça. Si, t'as une indemnité. Ah, c'est assez payant? Ah, ben moi, je savais pas, moi. OK. Non, mais je suis arrivé, tu t'assures, ça aussi. T'as pu acheter deux maisons. Ben, t'as pas complètement tort, si tu veux, parce que moi, j'avais pas du tout prévu ça. Et là, ma compagnie me dit, Marido, c'est une grosse charge. Comment tu vas faire? Parce que déjà, ils me voyaient débordé. Ouais, ouais. Je dis, vous inquiétez pas, je vais m'organiser. Alors, et après, ils me disent, attends, tu vas avoir une indemnité. Je dis, arrête. Alors, je vais te dire, hein, j'ai 1 450 € par mois. Eh, c'est bon. Alors là, c'est... Et j'ai compris après pourquoi le bastion... Pour 3 ans. Oui, pour que le bastion était comme ça, chasse gardée. Et moi, je dis à tout le monde, hein. Je suis la seule qui le dise. Ok, tu dis le salaire que tu gagnes. Oui. Parce que tu veux... Parce que les autres, ils ne le disaient pas. Ah, ouais, ben oui. Ok, c'était caché, ben oui. C'est pour ça aussi que... Et moi, ça, c'est pas possible. C'est pour ça aussi qu'il était élu par défaut. Ben oui, bien sûr. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, j'aime bien, moi. Et donc, voilà. Donc, moi, je le dis. Donc, j'ai déjà dit à plein de gens de la profession. Donc, ça va. Oui. Ça va circuler. Oui. Et c'est très bien. Léna, toi qui es loin, plus loin qu'Angoulême. Aime Léna, je veux te dédier un poème. Aime, je suis pas poète, mais je vais essayer quand même. Aime, ah faut-il que je dès aujourd'hui pour m'attaquer au problème. Aime, je me suis levé dès le petit matin blême. Aime, se lever tôt pour moi qui suis si bohème. Aime, ah faut-il que je oui, Léna, je, Léna, oui. Pour m'inspirer, je me suis fait un café crème. M, mais par erreur, je l'ai sucré au sel j'aime. M, c'était pas bon, ma foi, je l'ai bu quand même. M, ah faut-il que je. C'est malheureux, je n'ai pas trouvé de thème. M, je t'aurais fait un truc avec des rimes en M. M, t'aurais compris que c'était un stratagème. M, pour te dire que je. Oui, Léna, je. Léna, je. Oui. C'est qui fixe le salaire? C'est la SACD. Okay. C'est écrit dans les statuts, si tu veux. OK, dans les règlements. Mmh. C'est toujours surprenant. C'est pour ça que je t'aime. Tu vas à l'encontre, mais de ton côté libertaire, peut cacher une tigresse. Je suis stratégique. Oui, stratégique, oui. Ben, j'aime tu sais, moi, que je suis une joueuse. Hein. Oui. Si je joue aux cartes, je suis mauvaise. Hein. Ah, si je gagne pas, je suis très très mauvaise. Ok. J'insulte les gens. On est mauvais perdant, c'est ça? Oui. Ah non, pour moi, jouer, c'est gagner. Ok. Sans ça, je fais autre chose. Je contemple la mer, je lis. Pas le problème. Là, tu si je joue. Plus passive, là, c'est ça. Si je joue, c'est pour gagner. Je gagne. Voilà. Donc là, si tu veux, j'ai bien vu qu'il y avait des bastions. On m'a commencé à me faire des réflexions. Tu vois, par rapport aux arts de la rue. Oui. J'ai dit, ok, l'enjeu, il est là. Donc j'y vais. Et tu as changé aussi déjà quelque chose, histoire de remettre un peu, c'est de désacraliser un peu, de sortir de son anonymat, ce travail qui est très très important. Est-ce que je peux vous demander un petit peu d'eau? Oui. Donc c'est ça, c'est aussi de sortir de ton univers quand tu travailles dans ce milieu-là. Voilà, parce que je... En plus, la première année, c'était en visio, uniquement. Ça, c'est dur, hein? Quand tu connais pas le fonctionnement, tu as écouté tes vignettes comme ça, tu essaies de décrypter. Qu'est-ce qui est dit? Et puis c'est très très professionnel. Hein, c'est... Ouais. C'est impressionnant, hein. C'est une grosse, grosse, grosse boîte, hein. C'est quelque chose aussi de très bureaucratique. C'est presque une gestion d'entreprise. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est. Ouais. Et tu n'étais pas habitué à ça. Non, non. Et tu apprends aussi, c'est une belle école. Oui, oui, oui. Moi, je suis là, c'est, je suis ouais, au taquet. Je me concentre beaucoup parce que j'aime pas du tout ne pas comprendre, tu sais. Ouais. Puis ne pas comprendre, c'est aussi peut-être te faire passer des petites vites, comme on dit. Quand tu comprends pas, tu poses aucune question. Donc, voilà, donc je me lance des tas de choses. Et ça va. Je fais des alliances. Là, ça fait déjà 2 ans. Oui. Tu t'en vas sur ta 3e. Ma 3e. Hey. Mmh. Ouais, as-tu des projets? Hein? Avant de quitter, as-tu des projets? En la SACD? Non, dans ta vie de créatrice. Bah oui, je vais aller à Chalon. Chalon dans la rue. Et après, Aurillac. Et je vais cet été, je vais à Avignon aussi. Là, je vais à Avignon. Je pars à Avignon mercredi. Je fais une lecture. J'y vais aussi parce que je vais sûrement jouer à Avignon en 2023. On avait fait une présentation cet hiver quand j'étais à la Chartreuse de J'ai un vieux et il y a un théâtre qui veut bien le prendre. Donc du coup, on ferait ça. Donc je voudrais voir comment il fonctionne, ce théâtre, pendant le festival. Avec la SACD, il y a des choses aussi, des événements qui sont organisés. Et je fais aussi une lecture pour RFI avec une metteuse en scène que je connais. Tu fais ta lecture? Je suis comédienne sur une lecture. À quelle émission? Un texte de Dieudonné Nyanguna. Dieudonné? L'humoriste? Non, Nyanguna, c'est un auteur congolais. Ok. Et c'est pour quel? On fait c'est à la fois en public et enregistré. Ouais. C'est le 20 au matin. Et moi, si je veux l'écouter, c'est le 20 au matin? Oui, c'est à 11h. Et le nom de l'émission? Ben, je te redirai parce que je ne sais plus. Ben, j'irai voir sur la programmation. Le 20 au matin? Un texte à 11h. Ouais. Le 20 au matin à 11h, un texte de Dieudonné Nyanguna. Et c'est super. Ah oui. J'adore le texte. Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Avez-vous jamais vu un Monte Cristo et Baccarat sur un bateau? Quand père me dit valise, sors le cristal qui est dans la valise, j'ai mal. Je sors une coupe du service pour sa liqueur. Ça nous pousse à quelle heure? Vers 6. À ce moment la mer monte, leur casse les pieds. J'ai pu sans force honte les pieds. Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Pour ce qui est de l'hygiène, là nous l'avons. Faut bien sur un bateau l'avoir. Quand y a de la julienne, nous l'avalons. Père essuie ses lattes au bavoir. Et puis comme il va boire, sans son bavoir. Pour l'empêcher, mère père sévère. Et quand père remet ça sur le tapis, son cœur pleure mais sa bouche rit. Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile mais ma bile est amère. Car mon père est sévère, ont les pieds fragiles. Rugissant par la glotte, un félin. Il a tout du félin, félote. Ma mère a son tour grande, fait des c'est son saucisson de lion. Alors mon père traite de salami celle qui fut sa mie Rosette. Que voulez-vous de plus qu'on vous serve là? Tout fut dit au boudin. Ah ah, tcha tcha tcha. Est-ce qu'on te le demande souvent de faire des lectures? Là, ça faisait un bout de temps, on m'a pas demandé. Puis tu fais ça sur France Inter tout le temps? Non, je fais pas tant de choses, tu sais, c'est... Là, c'est, ma compagnie me prenait beaucoup de temps. Donc, ouais. Je cherche pas vraiment de choses, tu sais. Soit ça me tombe dessus, soit... C'est ça. Tu aurais fait le sport, mais tu vas pas chercher. Parce que t'as pas de temps. Non, j'ai pas de temps. Et toi, t'as toujours des choses à faire. Alors t'avoir ici 1h30, 2h, c'est quand même un privilège. Non, mais c'est vrai, c'est un privilège. Ah oui, parce mais que il faut que ça cadre vraiment avec ton... Bah là, ouais, t'as vu, en plus, t'étais en retard, c'est horrible. Oui, mais ça... Alors, t'es une fille occupée, mais t'es une fille aussi avec plein de projets, c'est hallucinant. À chaque fois que tu vois, t'as toujours quelque chose. Oui. Mais c'est bien, c'est la vie aussi. Oui, pourquoi oui, stagner oui. quand on peut... Moi, il faut qu'il y ait du mouvement. Sans ça, Tu t'ennuies. Oui, je me sens un peu pauvre quand je... Es-tu comme ça aussi chez toi? Arrives-tu à te poser ou... À chaque fois que je suis quelque part, je suis posé. Hein. Ok, ouais, comme ici, ouais. Voilà, mais dans ma tête, c'est jamais très posé. Oui, non. Prends-tu souvent des notes tout le temps? Hein? Tu prends des notes oui. constamment? J'ai des petits outils. Alors, savez, mon téléphone maintenant, je peux parler dedans. Ah oui. J'adore ça. Ah oui, c'est bien ça. Et j'ai plein de pense-bêtes différents, de tas de choses. Alors, t'arrêtes pas. Marino. Je suis excité de base. Heureuse. Ah, ben oui, effectivement. Mais heureux de t'avoir revu encore. C'est toujours un plaisir extraordinaire. T'es toujours aussi surprenante, intéressante. Merci. Oh, merci à toi. À la foyeuse. Ouais. On va prendre des photos. Yes. Au restaurant. Tu as des choses à faire, mais les clés, est-ce que tu vas t'en... Non, ça y est, c'est réglé. Ok. Ah, ok. Non, là, ça va. Après, maintenant, je suis cool. Ah, bon. As-tu des choses à faire aujourd'hui, oui? Non, là, ça va. Fait que tu vas relaxer. Et toi, tu veux manger ou pas? Oh non, mais moi, j'ai une autre rencontre. Ah, t'as une autre rencontre. Dans 15 minutes. Ah, ça va. Ok. Mais la prochaine fois, on dînera ensemble. D'accord. Ah, ce serait bien, ouais. Puis on parle en mangeant. Ça marche. Parfait. Merci, Marie-Lou. Puis je m'occupe de payer ton café. T'es sûr? Ben oui, ben voyons. Mais moi, j'ai une indemnité de la SACD, hein. Donc c'est moi, pas. Cette fois-ci, qui paye. Ah, ben merci. Ben oui. OK, tu prends ça sur ta... Ah, ben mon Dieu, c'est cool. Ah, ben c'est cool. Tu vois. Eh ben, tu demandes une facture et puis t'es repayé? Non. Non, je vais payer. Non, c'est moi. J'ai dit que c'était moi. Merci. Il faut pas, répliquer, hein. OK, merci. Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar. Car encore Igor, il dort, mépris de son oreille. Merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic tac, tic tac, tac a ti ta ki té. Tic tac, tic tac, tac a ti ta ki té. Tic tac, tic tac, tes cocu qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocu, tac a tac a cuité et quitter ton quartier. Tac a ti ta ki té, ta tactique était top, ta tactique était top, tac a ti ta ki té. On te t'a toqué troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. On t'attend t'attaquer contre ta cocoté. Takati takite, takati takite, takati takite, takati takite. Tout à côté des catins, des catitas qui n'est un coquère coquin et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, t'y compté, t'en piquant, tout un tas de tickets de quai. Quand tout à coup, tic tac tic. Matin, quel réveil, matin, s'écrit le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie. Chers amis, si je vous